Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'entrée du Front National à l'Assemblée Nationale en 1986. Un an plus tôt, le président Mitterrand, au pouvoir depuis 4 ans, sait qu'il va perdre les élections législatives contre la droite. Alors, pour amoindrir la défaite, il réalise l'une de ses promesses de campagne, introduire la proportionnelle pour ce scrutin. La tactique fonctionne. La droite gagne les législatives, certes, mais n'obtient qu'une courte majorité. C'est le début de la cohabitation avec Jacques Chirac comme Premier ministre, une première dans l'histoire de la Ve République. L'effet collatéral de ce scrutin à la proportionnelle, c'est l'entrée à l'Assemblée nationale de l'extrême droite avec 35 députés. Leur chef de file, Jean-Marie Le Pen, se frotte les mains, car son parti, le Front National donc, est devenu depuis le début des années 80 une vraie force politique qui centre son discours sur un axe, l'immigration, source de tous les problèmes des Français dans la pensée frontiste. Retour sur cet événement, pérenne la preuve. La figure de proue de cet héritage, Marine Le Pen, s'est qualifiée nouvelle fois au second tour de la présidentielle, répétant pour la troisième fois le même scénario, la défaite. L'extrême droite française, une machine à perdre, pour l'instant. Notre invitée aujourd'hui, Valérie Igounet, historienne, spécialiste de l'extrême droite en France, co-autrice de la BD sur le conspirationnisme, intitulée « Ils sont partout », publiée aux éditions des Arènes. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bonsoir. 13 février 1984, ce soir-là, à la télé, des millions de Français découvrent un homme qu'ils connaissent finalement assez peu, Jean-Marie Le Pen. Il est l'invité de l'émission L'Heure de Vérité, le rendez-vous politique mensuel d'Antenne 2. Pour le président du Front National, c'est un moment décisif. Il a une heure et demie pour impressionner et convaincre les Français qui le regardent. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, vous êtes devenu, monsieur Le Pen, un marginal du jeu politique. Certes, vous êtes président d'une formation autorisée par le ministère de l'Intérieur, le Front National, mais c'est une formation qui n'a jamais réussi à faire entrer le moindre représentant au Parlement. Les choses ont changé pour vous depuis 1983. D'abord, vous vous êtes fait élire conseiller d'arrondissement à Paris dans le 20e. Ensuite, il y a eu ces trois scrutins locaux, Dreux, Aulnay, Le Morbihan. Dans chacun des cas, les électeurs consultés ont, dans une proportion très significative, répondu à votre appel. Ce passage télévisé, c'est le symbole de la renaissance pour le vieux routard de la politique qu'est Jean-Marie Le Pen. Élu député 30 ans plus tôt avec la vague poujadiste, animateur de la campagne présidentielle Texier-Vignancourt en 65, président du FN depuis 72, candidat à la présidentielle de 74, avec un bandeau sur l'œil, Le Pen est à la fois une figure du paysage politique et une figure marginale. Pour dénoncer cette invitation à la télé, des manifestants se postent juste devant les studios pendant que le Parti communiste appelle au boycott et juge cette émission indécente. L'Humanité, le journal du PC, écrit « Cet homme est dangereux ». Pour l'événement, Jean-Marie Le Pen a soigné son look. Disparu le bandeau de pirate, place à l'œil de verre qui passe inaperçu. Costume bleu marine, chemise claire et cravate bleu blanc rouge. Dès le début de l'émission, suite à des remarques de téléspectateurs relayées par un journaliste, il tient à écarter d'emblée les accusations de fascisme, de racisme et d'antisémitisme. Mais les trois journalistes qu'il va affronter pendant trois quarts d'heure vont revenir sur ces thèmes. Il s'agit d'Alain Duhamel, de Jean-Louis Servan-Schreiber et d'Albert Duroy. Pêle-mêle, de nombreux thèmes sont évoqués. Peine de mort, opinion vis-à-vis de Franco et Pinochet, la France au Tchad et au Liban, la guerre d'Algérie, la torture. Jean-Marie Le Pen répond à tout et lance une réplique devenue célèbre après une question sur l'immigration. Je suis, monsieur Duroy, un homme de bon sens. C'est-à-dire que j'applique en quelque sorte une hiérarchie des sentiments et des directions. J'aime mieux mes filles que mes cousines que mes voisines que des inconnus et des inconnus que des ennemis. Après cette sortie verbale d'une portée philosophique majeure, le leader du Front National va se distinguer une nouvelle fois par une posture très théâtrale. Lorsque le journaliste Albert Duroy le lance sur l'impérialisme soviétique, Jean-Marie Le Pen réagit vivement. Il reproche au Parlement européen d'avoir observé une minute de silence à la mémoire de Yuri Andropov, secrétaire général du Parti communiste soviétique, décédé 3 jours plus tôt. Le Pen, farouchement anticommuniste, veut lui aussi rendre un hommage aux dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste, dit-il. Scène un peu surréaliste, il se lève, en silence, avec une bonne partie du public acquis à sa cause. C'est qu'il aime le jeu, la provoque, et il a le sens du spectacle. C'est le bon client par excellence pour un média. Côté audience, la recette est gagnante, l'émission bat des records, on évoque plus d'une dizaine de millions de téléspectateurs. February 1984. Les fruits de la prestation télévisée de Jean-Marie Le Pen ne se font pas attendre. Dès le lendemain, de nombreux Français appellent le parti ou se rendent au siège pour adhérer. La moyenne d'adhésion par jour, qui tournait autour de la dizaine, passe au millier. L'effet vu à la télé, surpuissant. Le Pen l'a bien compris. C'est même lui qui a provoqué le destin. Remontons 2 ans plus tôt, en effet, en 1982. Le FN crée 10 ans plus tôt Végète. Ses scores aux élections sont insignifiants. 0,74% à la présidentielle de 74, 0,33% aux législatives de 78, et même pas de candidature en 81, faute des 500 signatures requises et non obtenues. Jean-Marie Le Pen peut se permettre cette traversée du désert, parce qu'il est millionnaire. Il a hérité d'une fortune de plusieurs millions d'euros et du manoir de Montretout à Saint-Cloud, légué par un certain Hubert Lambert. Militant FN, ce millionnaire décédé en 76, avait fait de Le Pen son héritier. Un héritage qui déclenche une bataille juridique avec la famille du défunt et la famille Le Pen, qui en sera quitte pour un attentat à la bombe à la même époque. En lien avec l'héritage, peut-être, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Toujours est-il qu'en 82, Le Pen est riche à la tête d'un parti, mais il a un problème, les médias ne parlent pas de lui. Le 8 mai de la même année, il entend un discours du nouveau président Mitterrand à Orléans qui dit « L'unité nationale, ce n'est pas l'uniformité, c'est le pluralisme des opinions, le choc des idées. » Jean-Marie Le Pen écrit alors une lettre au chef de l'État pour se plaindre de ne jamais passer à la télé. « Monsieur le Président, notre mouvement vient de tenir à Paris son 6e congrès. Si vous ne disposiez comme moyen d'information que de la télévision d'État, vous n'en auriez rien su. » En effet, cette situation faite aux formations politiques non représentées à l'Assemblée nationale, déjà très injuste avant vous, s'est encore aggravée. Pour être certain que sa missive soit lue par François Mitterrand, Jean-Marie Le Pen se tourne vers l'une de ses vieilles connaissances, datant de la période où il dirigeait la Corpo de droit, une branche du syndicat étudiant de l'UNEF. Cet homme, c'est Guy Pen, devenu conseiller du président de la République, chargé des affaires africaines. Il est reçu le 29 mai 82 à l'Élysée. Le Pen lui transmet la lettre. Guy Pen le rassure. Je te promets que le président la lira. Mais François Mitterrand a d'autres priorités. Un an après son arrivée au pouvoir et les nombreuses réformes sociales, la situation économique se dégrade, le tournant de la rigueur approche. Un mois plus tard, pourtant, le 22 juin, le président répond à Jean-Marie Le Pen. Il est regrettable que le congrès d'un parti soit ignoré par la radio-télévision. Elle ne saurait méconnaître l'obligation de pluralisme qui lui incombe. L'incident que vous signalez ne devrait donc plus se reproduire. Chose dite, chose faite, le leader du Front National est invité au journal de 23h une semaine plus tard sur TF1. Et les journalistes ne sont pas vraiment enchantés de le recevoir. Je parle de TF1 pour l'instant, bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas parlé du congrès du Front National qui se s'est déroulé le 7 et 8 mai dernier. C'est bien ça? Oui. Bon, alors, comme vous n'étiez pas content, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris votre plus belle plume et vous avez écrit au président Mitterrand pour vous plaindre du non-respect du pluralisme sur les antennes de la télévision. Oui. Alors, monsieur Le Pen, est-ce que lorsqu'on croit à une télévision indépendante, on demande au président de vous donner un petit coup de pouce? Et c'est pas ça, oui, quand la télévision dépend entièrement de l'État, oui. Écoutez, comment vous pouvez nous dire ça, nous? Oui, écoutez, c'est vrai, on le sait. Ben, que vous soyez des journalistes libres, vous êtes quand même dans des structures qui dépendent de l'État. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de vie politique politique en dehors de la télévision. Il n'y a plus qu'un seul moyen de communication populaire, c'est la télévision. Les portes de la télé sont désormais ouvertes au Front National. Ce qui est une performance, étant donné que le FN n'est qu'un petit parti de 1500 militants avec deux permanents. Cette fenêtre médiatique va être l'occasion pour Jean-Marie Le Pen de développer son thème de prédilection, l'immigration, cause de tous les malheurs des Français, selon lui, notamment le chômage et l'insécurité. Avec des slogans tels que 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'émigrés en trop, puis 2 millions, 3 millions, etc. La xénophobie comme fonds de commerce et la crise économique comme catalyseur, voilà la recette du FN. Et ça marche dès les élections municipales de 1983. Ce n'est pas un raz-de-marée national, mais le parti d'extrême droite réalise de très bons scores dans certaines communes. À l'image de Jean-Marie Le Pen lui-même, qui remporte 11,3 des suffrages dans le 20e arrondissement de Paris. Mais c'est lors de municipales partielles, 6 mois plus tard, en septembre 83, que le FN va réussir un coup d'éclat. À cause d'une annulation de l'élection, la ville de Dreux, en Eure-et-Loire, doit revoter pour élire son maire. Nous y avons consacré une émission entière d'Affaires Sensibles, toujours disponible à l'écoute en podcast, bien sûr. À Dreux, ce n'est pas seulement le score du FN qui choque, 16%, mais le fait que la droite fasse alliance avec le FN pour ravir la mairie à la gauche. Or, seule une personnalité de droite condamne ce pacte avec le diable, c'est Simone Veil qui évoque le danger de l'extrême droite. Tout d'abord, je voudrais dire que ce qui m'inquiète le plus... c'est effectivement ce score de plus de 16% pour l'extrême droite. C'est ça. Pour l'extrême droite. Je trouve que c'est très préoccupant en soi. Et c'est très préoccupant aussi lorsque l'on sait que ce score a été réalisé grâce à une campagne qui visait les immigrés. Prochain rendez-vous avec les urnes, les élections européennes de juin 84. Avec un scrutin à la proportionnelle, encore une fois, et c'est une bonne nouvelle pour le FN. Cette année-là, une équipe de télé se penche sur le thème des Français et l'extrême droite. Les journalistes se rendent dans le 20e arrondissement de Paris où Jean-Marie Le Pen a fait un bon score. En 40 minutes, ils tentent de brosser un panorama de l'électorat séduit par le FN. Extrait avec quelques électeurs d'extrême droite. Vous votez pour qui ? Je vote opportuniste. Le Pen. Et avant ? Avant, j'ai voté Mitterrand. Et dans les slogans de Jean-Marie Le Pen et du Front National, vous vous retrouvez ? Sur l'immigration, seulement pour ça. Je suis un résistant au laxisme, je suis un résistant à l'invasion dans mon pays d'objet. Ce qui me plaît beaucoup dans le programme de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il a dit « les Français d'abord ». À ma connaissance, c'est le seul homme politique qui a dit ça. Si vous expliquez simplement pourquoi vous avez envie de voter, pourquoi vous votez pour Jean-Marie Le Pen, pourquoi vous avez voté pour lui aux dernières élections. Mais je ne veux pas dire que c'est parce que j'en ai marre des émigrés. Justement, moi, c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Parce que lui, c'est le seul, vraiment, qui pourrait nettoyer la France. Mais je ne veux pas quand même dire ça. C'est donc à cette époque que ce genre de parole se libère. Et c'est un premier tournant. Un peu plus d'une semaine après la diffusion de ce reportage, Jean-Marie Le Pen a le droit à son heure de vérité, l'émission dont nous vous parlions au début de récit. Le FN a le vent en poupe, mais il faut transformer l'essai dans les urnes. 13 mai 84, avant de se lancer dans le combat électoral, le leader du Front National rassemble la grande famille de l'extrême droite dans un défilé allant de la place de la Concorde jusqu'à la statue de Jeanne d'Arc. De nombreux drapeaux français, plusieurs milliers de militants dans la foule, des jeunes, des vieillards, des anciens combattants, des crânes rasés. Le Pen a fait de celle qui entendait des voix, la figure qui fédère les franges, parfois très différentes de l'extrême droite française, qu'a-t-on dit, nostalgique de l'Algérie française, royaliste, nationaliste, révolutionnaire. C'est ça le tour de force de Le Pen, rassembler toute une famille dispersée autour de sa personne. Un mois plus tard, place aux élections européennes avec un scrutin à la proportionnelle donc et favorable aux petits partis politiques car il faut atteindre 5% pour obtenir des députés, ce qui n'est pas insurmontable. La France comptera 81 députés de l'extrême droite dans cette nouvelle Assemblée européenne. 17 juin 1984, soir de résultats, le FN crée donc la surprise en se plaçant quatrième force politique derrière la coalition de droite, les socialistes et les communistes. Le journaliste Albert Duroy analyse cette nouvelle donne. Il y a trois événements, il y a trois chocs. Le premier, c'est indiscutablement le choc Le Pen. En dépassant le seuil des 10%, l'extrême droite en France est, pour la première fois, sortie de sa position marginalisée. Cela posera évidemment un problème à tout le monde, un problème au gouvernement de gauche, cela posera un problème à l'opposition, puisque l'opposition parlementaire, UDF, RPR, devra décider si elle s'allie ou pas dans l'avenir, pour les scrutins prochains, avec l'extrême droite. Mine de rien, Albert Duroy théorise ce jour-là ou actualise la notion de front républicain qui ne cessera d'animer notre vie politique jusqu'à hier soir. Le résultat des européennes de 84 est à la fois une surprise et une logique, étant donné les scores encourageants du FN au municipal un an plus tôt. Il permet de se structurer et d'avoir de l'argent pour s'organiser. Jean-Pierre Stirbois, numéro 2 du parti, élu adjoint Dreux, poursuit sa logique de rapprochement avec la droite dite classique ou fréquentable, c'est selon. De nombreux élus sont ainsi débauchés pour venir sur les listes des législatives. Avec un score estimé à plus de 10%, il y a des places à prendre. Car François Mitterrand est en passe de tenir l'un de ses engagements de campagne, la proportionnelle pour les élections législatives. Lors d'une interview le 16 janvier 85, il répond à Paul Amar sur une possible réforme électorale. Vous vous apprêtez à modifier le mode de scrutin. Dans quel sens? Alors, si l'on parle précisément des législatives, c'est le débat dont le gouvernement se charge, ce n'est pas mon travail. Mais ce sera certainement un scrutin dont la finalité sera proportionnelle. À droite, on réagit, et très vite. Jean-Claude Godin, président du groupe UDF à l'Assemblée, crie au scandale et déclare « On ne change pas les règles du jeu à la veille d'une compétition. Et si le président de la République le fait, si le gouvernement le fait, c'est parce qu'ils ont peur d'être battus. » En tout cas, si le FN parvient à maintenir ce score autour des 10%, le parti d'extrême droite va pouvoir faire son entrée à l'Assemblée nationale. Et cela, François Mitterrand ne peut l'ignorer. Autour de lui, ses conseillers s'inquiètent. Alors le président de la République leur rétorque « Ne vous en faites pas. Le Pen, je le connais, c'est une force comme les autres. Il ne faut pas avoir peur du Front National. Une force comme une autre pour combattre son véritable adversaire, la droite. » Si je te disais ce que je vois venir, Anne ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Anne ma sœur Anne, en écrivant ton journal du fond de ton placard, Anne ma sœur Anne, tu pensais qu'on n'oublierait jamais, mais mauvaise mémoire, elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Croix gammée, bottes à clous, oui, toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes impartis. La voilà revenue, historique, hystérique. Anne, ma sœur Anne, je te disais ce que j'entends, Anne ma sœur Anne, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements. Anne ma sœur Anne, j'aurais tant voulu te dire, petite fille martyre. Anne ma sœur Anne, tu peux dormir tranquille, elle reviendra plus. Malvenue pour ces anciens damnés au goût de déjà vu, beaucoup trop. France Inter, Affaires sensibles. Avril 85, c'est décidé. Les élections législatives de 86 se feront à la proportionnelle. Dans les rangs de la droite, on s'insurge, on hurle à la manœuvre politicienne. Remous également parmi le gouvernement. Michel Rocard, opposé à cette réforme électorale, quitte son poste de ministre de l'Agriculture de façon théâtrale, en pleine nuit. Façon peut-être de se positionner pour se lancer dans la course à la présidentielle de 88. Pourtant, la proportionnelle aux législatives, c'est une mesure qui figurait dans les 101 propositions du programme de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981, mais tout le monde dénonce le timing et l'opportunisme réel ou supposé du président. Les élections cantonales de mars 85 ont donné un avant-goût des scores électoraux futurs. Raz-de-marée pour la droite, avec 49% des voix au premier tour, et un second qui lui permet de ravir 10 départements aux socialistes. Mais l'autre information, c'est que le FN signe son premier score national de grande ampleur avec 1 million de voix. 3 ans plus tôt, le parti d'extrême droite n'en réunissait que 25 000. Mais les socialistes s'intéressent d'abord au score du RPR et de l'UDF. Ils savent qu'ils vont perdre la majorité à l'Assemblée. Lionel Jospin l'explique dans le documentaire « Le diable de la République ». À la veille des élections législatives, la droite allait l'emporter et la proportionnelle a été un scrutin fait pour freiner et empêcher la droite d'avoir une écrasante majorité absolue à l'Assemblée nationale que nous craignions. Un front national haut, ça affaiblit la droite et ça permet de fédérer le peuple de gauche autour de l'antiracisme. François Mitterrand a bien compris le bénéfice qu'il pouvait en tirer. Après les désillusions générées par le tournant de la rigueur, le combat contre le FN va devenir l'une des thématiques importantes à gauche. Dans la foulée de la marche des beurs, organisée en 1983, une association est créée l'année suivante, SOS Racisme. Tout le monde connaît le logo, la main jaune, et le slogan « Touche pas à mon pote ». Et ses figures de proue, Harlem Désir, Julien Drey. Pour l'Élysée, qui finance en sous-main le mouvement, c'est une occasion de mettre le cap vers un sujet de société à défaut d'être efficace sur les questions économiques. En décembre 85, une marche est organisée à 4 mois des élections législatives entre la place de la Bastille et le Palais Royal à Paris. Le cortège, composé de milliers de manifestants, déploie ses banderoles et scande des slogans tels que « Non à Le Pen »,« Droit de vote pour les immigrés » ou « Du travail, je veux ». La seule voie possible pour le pays des droits de l'homme, c'est celui de l'égalité des droits, c'est celui du respect d'autrui, de tous les individus, de toutes les cultures, et certainement pas celui de l'exclusion, de la haine et des crimes racistes. Dans la foule autour d'Harlem Désir qu'on vient d'entendre, on peut apercevoir Jack Lang, VHL, Rick Alter. L'ambiance dans le cortège, composé de très nombreux jeunes, est festive malgré la pluie. Le défilé se termine par un show du groupe Urban Sax. Un an après sa création, SOS Racisme réussit une belle percée dans le paysage militant et citoyen. Du côté du Front National, en ce mois de décembre 85, on travaille sur les listes pour les législatives. C'est à cette époque qu'un polytechnicien se rapproche du front, Bruno Maigret. Il va jouer un rôle considérable dans le parti, jusqu'à vouloir devenir calife à la place du calife à la fin des années 90. Il y perdra pas mal de plumes, toutes d'ailleurs. Et il disparaît assez vite des écrans radars. Le clan Le Pen lui règle son compte, après avoir tremblé. Mais en 85, Maigret fait partie de la vague de nouveaux arrivants dans le groupe du Rassemblement National qui permet d'associer d'autres formations politiques qu'au FN dans la course aux législatives. Le Pen fait ainsi une ouverture à droite avec des transfuges et des alliances. Maigret est son poisson pilote sur ce terrain. Février 86, la campagne pour les législatives est lancée. Jean-Marie Le Pen ouvre les portes de Montretout aux caméras de France 3 et on le voit dîner avec ses 3 filles, Marine, Yann et Marie-Caroline. le leader du FN se confie un peu sur sa vie de famille. Dans les familles, le papa, c'est souvent le père fouettard, celui dont on menace les enfants si jamais elles ne travaillent pas bien. Ou si elles apparemment, elles n'ont pas l'air d'avoir peur de vous. Non, je ne crois pas. Non. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mlle Le Pen et de plus en plus. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Marine Le Pen, alors âgée de 17 ans, qui parle de son père. En revanche, dans le reportage, une absence est notable, celle de Pierrette Le Pen, l'épouse de Jean-Marie. Pour cause, elle a quitté le domicile familial en 84 pour aller vivre avec le biographe de son mari. Toujours en instance de divorce, elle fera bientôt parler d'elle de manière retentissante. Sur le terrain de la campagne politique, le leader communiste Georges Marchais s'attaque à Le Pen lors d'un meeting politique. Comment cet individu qui paie l'impôt sur la fortune et qui présente sur ses listes des patrons, des milliardaires et des aristocrates pourrait-il abuser des travailleurs ? Et de pointer perfidement les responsables du succès du FN, à ses yeux, le RPR et l'UDF qui reprennent ses thèmes et ceux qui lui ont ouvert les portes de la télé. Dimanche 17 mars 1986, la soirée électorale des législatives débute. Contrairement aux autres consultations sous la Ve République, il n'y a qu'un tour. Alors les résultats ne sont pas tout de suite très précis, mais une chose est certaine. Les socialistes sont en fort recul, ils ont perdu la majorité. Vers 22h, après avoir pris connaissance des résultats, Jean-Marie Le Pen livre son discours aux accents de triomphe devant ses militants en direct à la télé. Le Front National a donc atteint son premier objectif, battre le Parti communiste. Il nous reste maintenant à donner à notre mouvement les bases et l'organisation qui lui permettront, dans les échéances décisives, de rassembler autour de son programme de renaissance nationale la majorité des Français. Pour François Mitterrand, se pose désormais la question de la cohabitation. Le 20 mars, il décide de nommer Jacques Chirac à Matignon. Dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen, un espoir naît. Fort d'un groupe de 35 députés dans la nouvelle Assemblée, il entend jouer un rôle dans les affaires du pays. Pourquoi pas ministre de la Défense, après tout. La moitié de ces députés du Rassemblement National sont des transfuges de la droite. Donc l'alliance est jouable, comme à Dreux, 3 ans plus tôt, se dit-il. D'autant que, et de surcroît, pour les régionales, qui ont eu lieu en même temps que les législatives, des alliances avec le FN ont permis à la droite de prendre la direction de plusieurs régions. Mais Jacques Chirac est catégorique, pas de Front National au gouvernement. Il ne veut pas que son camp pactise avec l'ennemi désigné. Alors, il donne des consignes dans les rangs de sa majorité. Ne votez aucun amendement du Rassemblement National, car le groupe s'appelait Rassemblement National, le groupe à l'Assemblée. N'applaudissez aucune intervention de ses députés, ne leur adressez même pas la parole. C'est parti pour le fameux cordon sanitaire, concept qui guidera une partie de la droite parlementaire jusqu'à aujourd'hui. Le jour de la rentrée au Palais Bourbon, Jean-Marie Le Pen, en costume-cravate, arbore un large sourire et confie devant une foule de micros et de caméras. C'est un vieux souvenir. Je suis entré pour la première fois dans cette maison il y a 30 ans et je l'ai quitté il y a 23 ans. Il jubile. Il est à la tête d'un groupe parlementaire avec tous les avantages que cela offre. Dans les couloirs, les journalistes et les autres députés scrutent et guettent ces 35 députés du FN. Des curiosités à vrai dire. À quoi ressemble-t-il ? L'un d'entre eux, Jean-Claude Martinez, ancien du RPR, se souvient de ce moment dans le documentaire « Le diable de la République ». Ils attendaient des abrutis, des crânes rasés. On leur avait dit que c'était les poujadistes qui arrivaient, tarés, antisémites, crachants, marchant à quatre pattes, grognant, émettant des sonorités, ululant, feulant. Et il voit arriver des gens qui parlent. Donc c'était déjà un premier choc anthropologique, le fait qu'on parle. Jean-Claude Martinez, professeur de droit public à Paris Assas, transfuge de droite, il est le profil type du député présentable pour le Rassemblement National. En somme, de nombreux parlementaires d'extrême droite sont loin des clichés. Ils sont médecins, avocats, universitaires, aristocrates même. Ils pensent, ils parlent et ils comptent bien faire entendre leur voix. Dans l'opposition donc, car Chirac n'a pas voulu d'eux. Alors, quand c'est le jour du vote de la confiance, Jean-Marie Le Pen montre tout son dédain pour le leader du RPR, son nouvel ennemi juré. Et je l'ai fait sans me référer à un papier parce que je pensais qu'il s'agissait de vous exprimer un sentiment intime. La confiance, ça ne s'écrit pas et ça ne se décrit pas. Ça se ressent. On a ou on n'a pas confiance. Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas confiance. Jacques Chirac lui rend coup pour coup avec un projet de réforme. Il veut en finir avec la proportionnelle aux législatives. Retour donc au scrutin majoritaire à deux tours. Cela limitera considérablement les chances pour le Front National d'avoir des députés lors des prochaines législatives. Jeudi 22 mai 86, Jacques Chirac engage la responsabilité de son gouvernement en faisant adopter par l'Assemblée cette réforme électorale. Elle déclenche la colère des communistes, des socialistes et des députés du Front, bien sûr. Et Jean-Marie Le Pen prononce des mots très durs contre le Premier ministre. Vous n'avez pas été non plus seulement un hussard, ni même un houlan ou un cosaque. Vous vous êtes conduit à l'égard de cette Assemblée comme un soudard. Vous avez voulu violer l'Assemblée nationale, non seulement l'opposition, mais même et surtout votre propre majorité. Les députés du Rassemblement National poursuivront leur mandat dans l'opposition en proposant 63 lois, notamment sur le rétablissement de la peine de mort ou des textes visant à instaurer la préférence nationale. Le groupe parlementaire d'extrême droite fonctionne un peu avec deux têtes. Une façade présentable avec des notables qui livrent des travaux de députés très techniques parfois, et des députés véhéments qui s'illustrent à la tribune de l'Assemblée. Le 14 avril 87, lors d'un débat sur la Nouvelle-Calédonie, le député Roger Olyndre, ancien de l'OS, répond à sa manière à un député socialiste qui lui reproche de dire n'importe quoi. Le gouvernement socialiste a bien été content de les trouver, les paras, quand il s'agissait d'aller servir les mains, hein, de salir les mains pour sauver la population d'Alger. C'est vous qui nous avez envoyés, c'est pas nous qui sommes partis. Parce que comme pour la guerre d'Algérie, les soldats, là-bas, font leur travail, mais ils ne font pas la guerre. Et vouloir dire que la Calédonie, c'est l'Algérie, c'est une honte supplémentaire. Vous voulez qu'on étale un peu nos états de service? À part les balles de tennis, qu'est-ce que vous avez entendu siffler d'autre? Condamné à rester dans un rôle d'opposant, Jean-Marie Le Pen prépare sa prochaine échéance électorale, la présidentielle de 88. Et il continue de faire la une de la presse par l'intermédiaire de sa femme, en instance de divorce, qui pose dénudée dans Playboy. Et le magazine titre « Madame Le Pen fait le ménage ». Selon un proche de Jean-Marie Le Pen, le leader du FN aurait déclaré « Si tous les cocus de France votent pour moi, eh bien la présidentielle, nous y sommes ». Les sondages d'ailleurs le gratifient de bons scores. Et il bénéficie des largesses d'un riche mécène qui finance sa campagne, le révérend Moon. Ce milliardaire sud-coréen est à la tête de l'église de l'unification, appelée aussi Secte Moon. Jean-Marie Le Pen rencontre par ailleurs Ronald Reagan et prononce un discours pro-israélien devant le Congrès juif mondial qu'il applaudit. Mais le 15 septembre, il dérape. Devant les journalistes du grand jury de RTL, il parle des chambres à gaz comme d'un point de détail de l'histoire. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 millions de morts. Là, est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je n'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est... Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Oui, c'est pas un point de détail, quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit éprouvé, et absolument. Quelques autres qui... Non, mais vous-même, M. Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs, et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas? Et malgré les propos comme un point de détail de l'histoire, il obtient 4 400 000 voix, soit 14,4% au premier tour de l'élection présidentielle. Jacques Chirac, qui a besoin de ses suffrages au second tour pour battre François Mitterrand, organise une rencontre secrète entre les deux tours. Mais le leader du RPR ne souhaite faire aucune concession à Le Pen, qui n'appelle pas à voter pour lui au second tour. La suite est connue. Mitterrand est réélu triomphalement, un peu comme Emmanuel Macron hier, injouable, imbattable. Quant au Front National, il n'a plus qu'une députée en 1988, Yann Pia, qu'on retrouvera suicidé d'une balle dans le dos. Le Pen, désormais diabolisé, s'est forgé un ennemi juré, Jacques Chirac. Et les deux hommes se retrouveront 14 ans plus tard. Et jusqu'à ce jour, son parti s'abonnera aux abonnés de la défaite. Le père, la fille, à chaque fois, le grand soir, leur passe sous le nez au profit de la droite, de la gauche ou aujourd'hui du centre droit macronien. Le fameux plafond de verre est pour l'instant en verre très épais. When petite sœur will just have to remember I'll be down no more, the old dancing music sound, all day long in my gown, when I will be down. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace de chewing-gum, plus de belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When, petite sœur, we'll just have to remember I'll be down no more, the old dancing music sound, all day long in my gown, when I will be down. Plus d'atoll pour une déprime qu'à du bol, plus les folles griffonnant je t'aime sur des bristoles. Quand je serai rien qu'un chanteur de salle de bain, sans clap clap, sans guitare, sans les batteries qui tapent, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Quand je serai KO, descendu des plateaux de fond, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi, est-ce que tu m'aimeras encore France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Mars 86, quand le Front National a envoyé 35 députés au Palais Bourbon, tel était le sujet de ce récit dont nous allons parler avec notre invité Valérie Gounet. Bonjour. Bonjour. Historienne, spécialiste de l'extrême droite en France, chercheuse associée à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, vous êtes directrice adjointe de Conspiracy Watch et co-autrice de la BD sur le conspirationnisme intitulée « Ils sont partout », publiée aux éditions Les Arènes. Qu'est-ce que vous inspire le récit de cette année 1986? Les députés du Front National entrent à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on connaît la suite jusqu'à hier? Ces quelques décennies d'histoire m'inspirent déjà cette première réflexion, et même quand je vous attendais avant, c'est-à-dire quelle histoire mouvementée, cette histoire du Front National et cette histoire de Le Pen. Après, c'est toujours, j'allais dire, une des questions évidemment qui va se poser, qui se posait hier, mais qui se pose aujourd'hui peut-être encore avec plus d'acuité, cette notion de représentativité. Quand vous, quand on a parlé d'instauration de la proportionnelle, etc. Quoi, aujourd'hui, avec les élections qu'on a eues, avec les élections à ce second tour de la présidentielle, quand on sait que Marine Le Pen a rassemblé plus de 40% des voix, c'est sûr qu'elle va jouer là-dessus, à juste titre ou pas. Quoi, ça, c'est pas le problème. Quoi. Donc c'est ça ma première réflexion. Ouais. Alors, imaginons que nous soyons en République parlementaire, nous serions probablement co-dirigés par l'extrême droite. Donc on a un système institutionnel qui empêche ça. Mais est-ce qu'un système institutionnel a vocation à empêcher une représentation politique? Il est là aussi le problème. Alors ça, c'est plus, je vais pas me défausser, hein, mais c'est plus un juridique qui pourrait, vous répondre. Est-ce que éthiquement, est-ce que politiquement, on peut interdire l'extrême droite française, le Rassemblement National, de co-diriger en fait notre pays? Ma réponse s'entend peut-être, quoi, même si oui, ça semblerait compliqué, parce que c'est vrai que là, nous serions totalement... À la proportionnelle, je voulais dire, à la proportionnelle, on serait co-dirigé. On sera en inadéquation totale, avec une mésentente totale, avec quand même des valeurs phares qui tiennent à notre République française. Vous vous souvenez du débat en 1983, avant que la télévision France 2 reçoive Jean-Marie Le Pen? Il y avait un vrai débat entre ceux qui disaient « mais c'est normal, c'est la démocratie » et les autres qui disaient « non, ne laissez pas entrer le loup dans la bergerie ». Quel était votre sentiment à cette époque? Vous vous souvenez? Alors, en tant qu'historienne aujourd'hui, puisqu'à cette époque, j'avais une dizaine d'années. Ah oui, mais, d'accord. mais, en tout cas, et rétrospectivement, c'est sûr que on savait. On savait que Jean-Marie Le Pen était une bête médiatique. Ouais. C'est pas rien. Il a construit aussi sa carrière par sa visibilité et par ses pseudo-dérapages à répétition. Donc, en sachant ça, en sachant que c'était une période où le Front National se développait, que c'était cette période où les premiers succès électoraux arrivaient et que le contexte répondait en partie à certaines revendications, on savait que, comme vous le dites, hein, le loup allait rentrer dans une bergerie et pouvait fortement s'y installer. Ouais. Alors on sait que François Mitterrand a œuvré pour que Jean-Marie Le Pen soit reçu à la télé. Peut-on dire, comme on entend beaucoup dire, qu'il a utilisé le Front National pour affaiblir la droite? Ou est-ce que c'est un peu court comme explication? Je pense que c'est pas si simple que ça, même si, dans le sens où il est évident qu'il savait qu'à ce moment-là, en instaurant la proportionnelle, on savait encore plus qui était Jean-Marie Le Pen, et on savait, on avait des clés pour interpréter l'histoire de ce parti. Il faut se rendre compte que, j'allais dire, c'est l'histoire d'un boom presque. Oui. Le Front National, la première décennie, ce n'est rien. Vous l'avez rappelé, hein, 1974, 0,74% des voix. Mmh. On est à quelques centaines d'adhérents. Et comme vous l'avez dit aussi, après le débat de 83, le débat, en tout cas cette émission, il y a des milliers de personnes qui viennent adhérer au FN, quoi. Donc, on pouvait connaître l'issue. On pouvait connaître l'issue. Donc, affaiblir la droite, c'est certain. C'est pour ça, d'ailleurs, que Michel Rocard a fortement critiqué cette décision. Il savait que Mitterrand continuait ce chemin, c'est-à-dire installer le Front National durablement dans le paysage politique français, et c'est ce qui s'est passé. Oui. Alors, justement, il y a un point de détail, c'est le début de la marginalisation du Front National dans l'espace politico-médiatique, puis arrive l'ère Marine Le Pen, dédiabolisation, respectabilité, elle accède deux fois au second tour, deux fois battue. Comment expliquer ce plafond de verre, apparemment, je dis bien, pour l'instant, infranchissable? Je vais revenir, si vous le permettez, quand même à ce point de détail et à cette diabolisation. Bien sûr, parce qu'il faut bien voir que Jean-Marie Le Pen avait déjà, j'allais dire, commis différentes diatribes, hein, différents dérapages, comme il dit, quoi, les sidaïques, des propos ayant attrait à certains hommes médiatiques juifs, etc. Donc il montait, j'allais dire, crescendo, et puis il y a eu cette histoire du détail, il faut le rappeler quand même, hein, ces chambres à gaz nazies qu'il est qualifié de détail de la Seconde Guerre mondiale. Quand j'ai rencontré ces personnes qui étaient à côté de lui au sein du Front National, ils ont bien insisté sur l'effroi qu'ils ont eu à l'entendre en direct. Et ils ont bien dit aussi que à ce moment-là, une histoire du Front National s'arrêtait. C'était terminé pour Jean-Marie Le Pen. C'était terminé. Il savait qu'il n'avait plus d'avenir, alors qu'il semblait qu'il en avait un, politiquement parlant, quoi. Donc ça, c'est pas rien. C'est la cassure dans l'histoire de ce parti. C'est une des cassures. Alors après, il y a eu justement Bruno Maigret, etc., qui intègre le FN aux élections, qui devient numéro 2 du Front National, et c'est lui qui instaure la dédiabolisation. Parce qu'il sait bien que c'est un des moyens stratégiques. Donc on est dans cette dédiabolisation qui n'a pas été du tout le fruit de la réflexion de Marine Le Pen, même si elle l'a reprise au début des années 2000, alors qu'elle rentrait au sein du parti qui n'était pas en forme. Donc, pardon. Oui, je vous en prie. Donc, allez-y, finissez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces actions de dédiabolisation, hein, qui ont plus ou moins fonctionné? Marine Le Pen prend les rênes du pouvoir en 2011, c'est vrai, hein, comme présidente du Front National, et de multiples élections montrent cette ascension du FN devenu Rassemblement National sous sa direction. Faut pas oublier qu'elle a quand même, j'allais dire, renvoyé son père au bercail. Absolument. C'est-à-dire qu'elle a exclu son père d'un parti qu'il a cofondé. Alors, en ce qui concerne cette histoire de plafond de verre, on est dans un parti qui a une dynamique quand même sans précédent. Quand on voit, en ce qui concerne les présidentielles, ça ne cesse de grimper. Moi, je pense que c'est d'une évidence totale, mais les 5 années vont être évidemment décisives sur ce point. L'action de Macron, qui l'a redit hier, il est bien conscient que ce n'est pas un vote d'adhésion totalement. Ah oui. Hein, ah oui. Qu'il y avait ce fameux barrage républicain. Donc à chaque fois, on a l'impression qu'on se redit que le plafond de verre est là, oui, bien sûr, mais que là, les 5 années vont être décisives aussi sur ce plan-là. J'ai bien dit, le plafond de verre est en verre très épais, oui. Virgule. Pour l'instant. Oui, tout à fait. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Courtney Barnett qui chante Right List to Look Forward to. Valérie Higounet, historienne, nous observons avec vous le parcours de l'extrême droite depuis 1986 en France. Alors il y a eu pour cette campagne Éric Zemmour, donc une autre figure de l'extrême droite. Quelle figure représente-t-il pour vous ? À travers son discours, évidemment. Ah, il représente un homme politique, comme vous dites, d'extrême droite, qui a rajouté ouvertement à sa propagande un prisme complotisme qui est, j'allais dire, ce n'est pas la première fois. Hein, parce qu'on l'a entendu encore pendant cette campagne, on a parlé d'élections volées, même Valérie Pécresse aussi y a fait allusion. Mais par exemple, on a bien vu la thématique du grand remplacement. Qu'il a repris, qu'il a répété et qu'il assume totalement. Donc c'est un homme qui a eu aussi cette irruption, elle a fonctionné à un moment. Hein. Il était crédité de près de 15% oui, hein, dans les sondages. Et c'est vrai que c'est un phénomène politique. Est-ce qu'il va durer ? Ça, c'est moins sûr. Ouais. Enfin, au bout du compte, ça n'est que 7%. Aujourd'hui, ce n'est que 7%, donc est-ce qu'il va durer ? Alors, on parlait de la médiatisation de Jean-Marie Le Pen et donc du Front National et de ses idées par la télé dans les années 80. Ouais. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui évidemment constituent un bassin important pour la pensée d'extrême droite et la pensée complotiste. Et donc, quel lien vous établissez entre la pensée complotiste et la pensée de l'extrême droite ? C'est un lien tellement tenu. C'est-à-dire que on sait par différentes enquêtes d'opinion, et on le voit bien, nous, hein, Conspiracy Watch, qui bossons continuellement là-dessus, que l'extrême droite et le complotisme sont liés, quoi. Il n'y a aucun problème. Et par exemple, dans différentes enquêtes, on sait que les électeurs ou électrices de Marine Le Pen et ceux du Rassemblement National étaient les personnes qui adhéraient le plus à différentes thématiques conspirationnistes. Alors, il y a des thématiques conspirationnistes variées et diverses. Alors, il y a les plastistes. Ça, c'est... Les platistes. Pas les plastistes et les plasticiens. Les platistes. Ceux qui affirment que la Terre serait plate. Oui. Alors ça fait plutôt sourire. Ça fait sourire. Ouais. Jusqu'aux négationnistes qui, eux, ne font pas sourire, en passant par les obsédés du complot juif et les conspirationnistes du 11 septembre, tout y est, peut-on lire sur la quatrième de couverture de votre BD, hein, qui s'appelle « Ils sont partout ». Donc cette planète conspirationniste, sur quel terrain vous paraît-elle le plus dangereux, la plus dangereuse ? On parle du grand remplacement, par exemple. Il y a pour moi, qui suis plongée dedans, évidemment, il y a tellement, j'allais dire, quasiment de danger, quoi. On parle du grand remplacement. Le grand remplacement, cette théorie a conduit à des attentats, par exemple. Donc le complotisme est meurtrier. On parle du négationnisme. On sait qu'aujourd'hui, plus de 20% de la population française adhère au mythe du complotionniste mondial. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, qui est donc au cœur du négationnisme. On sait ce que l'antisémitisme a fait et fera, certainement. Voyez. Et puis on est aussi sur des théories qui peuvent aussi faire sourire, j'allais dire, comme le survivalisme. Vous savez, ces gens qui veulent absolument faire croire que les légumes de carob crus vont nous guérir d'un cancer et qu'il faut donc arrêter la chimiothérapie. Ou que boire son urine peut conduire à guérir du sida. Bah quand on voit ça, on peut se dire, on peut sourire quand on voit la vidéo de quelqu'un qui boit son urine ou qui s'injecte une seringue d'urine un peu vieillie, parce que ça serait meilleur thérapeutiquement parlant. Mais ça fait pas sourire du tout, parce qu'il y a des gens qui en meurent aussi d'arrêter leur chimiothérapie. Donc je dresse un tableau très peut-être anxiogène et pessimiste du complotisme, mais j'y adhère totalement. Mais à quelle fin ? C'est ça, on se dit pourquoi faire croire des choses comme ça ? Alors on va pas prendre, parce que concernant l'antisémitisme, on sait très bien à quelle fin. D'ailleurs, je pense que le protocole des sages de Sion est une sorte de matrice du complotisme, hein, par excellence même. Mais à quelle fin le coup de l'urine, par exemple ? À quelle fin ? On comprend pas. Est-ce que ces gens vous disent, voyez, nous on est plus fin que vous, hein, parce que nous on voit les choses que vous voyez pas. Vous tombez dans des pièges. C'est pour paraître plus intelligent, mais plus que ça quand même, j'imagine. À quelle fin ? Nous sommes des, alors je parle pour eux évidemment, hein, nous sommes des système. Il faut bien se rendre compte qu'on ne cesse de nous mentir depuis des décennies. Regardez ce qui s'est passé pendant la pandémie. Ces anti-vax, ces personnes, ces complotistes contre le pass sanitaire, on est dans un nouvel ordre mondial, etc. Donc, il déroule. À quelle fin? Donc, c'est évidemment aussi pour avoir, j'allais dire, une nouvelle visibilité. On est aussi dans la visibilité. Hein. Vous avez abordé, donc, à des fins politiques, idéologiques, conspirationnistes, évidemment. Il y a des youtubeurs, parce que ça se passe essentiellement là-dessus, qui sont devenus connus ou reconnus en devenant complotistes, hein, ouais. Des hommes politiques, hein, des anciens hommes politiques, Florian Philippot, on n'en entendait plus parler, c'était l'ancien numéro 2 du Front National. Hein. Mmh. Alors là, aujourd'hui, on en entend parler, il est complètement à fond dans le complotisme. Hein. Et puis, vous parliez de l'argent, les extracteurs de joues, ça coûte cher. Vous voyez, donc il y a plein de finalités, mais elle est avant tout évidemment idéologique. Et politique. Bien, pour bien comprendre, je renvoie nos auditeurs à la lecture de cette BD qui s'appelle « Ils sont partout ». Alors c'est bien parce que la BD peut permettre aussi d'entrer dans l'univers du réel ou de la chose politique de façon différente avec des dessins. C'est remarquablement fait, voilà. Ils merci. Sont partout, les arènes. Valérie Higounet, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, l'entrée des députés Front National à l'Assemblée Nationale, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman et la réalisation était bien de Stéphane Ronxin.